Kim Dae-sik, vice-président de l'Association des médecins coréens au Japon, est arrivé à Pyongyang par avion le 30 mai pour participer au 18e séminaire de la médecine de Pyongyang des compatriotes coréens du pays et de la diaspora.